Alors, ça dit quoi la team? Du tout, là. Tu connais comme d'habitude. Change rien. Toujours au quartier. En lambeau ou en stèle. Est-ce qu'on s'en bat les culs? Hein? On va parler des gens un peu. Hein, tu leur fais confiance. Te tournes le dos. Comment tu veux pas regretter? Hein? Attention. Je vais vous dire un truc. Pour pas être déçu des gens, faut pas les calculer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les médias, tout ça. On s'en bat les couilles. De toute façon, nous, le chemin, il est droit. Soit on le prend, soit on marche tordu. Le quartier, c'est pas la joie. Les petits enfants cherchent des gros coups pour faire des gros sous. Je vois les grands sous, trop de salopes dans les alentours. Je les croise des fois quand je fais des tours. Regarde personne, tu connais. Crise au check, mec. Jules, tu l'as entendu partout et tu l'entendras. J'ai trop t'en fait pour. Ça s'arrête maintenant. Je vous mens pas. Trop les crocs. Les gens, ils croient que je suis là. Ils croient que je suis là, ça fait 3 ans, 4 ans. Mais l'équipe, n'oubliez pas. Depuis 12 ans, je rappe. L'âge de 12 ans. Il restait 10 ans dans l'ombre. 10 ans. On a eu les crocs, la patience, tu connais. Ça, faut travailler, man. Tu crois que ça va tomber du ciel? Espèce de fou. Hein. Inspire-toi un peu. Tu vas comprendre. Le travail, c'est la récompense. Tu verras. Tu m'en diras. De nouvelles. T'es pas carré frérot, obligé de mettre la tête au carré. Je prends la moto, je la mets à Y, sur et voir et carré comme un taré. Le poteau me rend fou, me dit dans combien t'arrives. Je sors la plaquette, c'est de la moula, je lui dis combien t'arrives. Ouais, ouais, les jaloux t'envient car ils n'ont aucun rêve. Laisse les chanter, ils prennent les salopes devant le tocard rêve. Qui tu prends tes sous, tu problème de fou. Si la parole suffit pas avec des dialogues de son, ma bande elle est dans l'ombre, elle fait pas trop de bruit, elle allait dans l'ombre. On veut juste nager dans l'eau, on s'en fout de nager dans l'ombre. Tranquille, vas-y fais la queue, personne manipule, je crois en Dieu. Ils diront que tu es nul, mais feront jamais mieux. Il paraît que tu fais le pilote, mais franchement je t'en prends à cabrer. Il paraît que tu as trahi le gang, cette nouvelle m'a accablé. Il m'a fait la piste, m'a sali, mais pourquoi tu me l'as dit qu'après? Tu te plains tous les jours, franchement tu penses à cet handicapé. J'ai le fou que t'as pas, j'ai les mots qui touchent, dans un monde à part. Je vis des trucs louches, ça devient chaud les mecs. 15 albums toujours au check, je fais des tours en général. Tu veux la maison de Brad Pitt, faut de pit et des caméras. Des problèmes, je vois tout chez moi, trop pis trop dans comme on radire. Mais si tu me rates, je respecte plus tes camarades. T'as oublié, quand c'était dit, tout ce qu'on a fait, tout ce chemin à dire pour toi. Des anges, j'allais pas faire, t'as oublié. Que je partageais tout avec toi, et que toi, même pas tu m'as fait monter chez toi. T'as oublié, que sans compter, je défauchais des billets. Maintenant, je me suis fait tout seul, tu fais que crier. T'as oublié, les mauvaises passes, on les passait ensemble. On a fumé, on a bu, on a grandi ensemble. Mais bon, t'as oublié, c'est pas grave, ça changera pas nos vies. Je respire la fumée nocive et je m'évade sur la mélodie. Mélodiquement, du c'est magique, non? Et logiquement, je me fie à ce qu'on me dit, moi. Tu veux leur la Rolex, alors tu gères, tu prends la relève. Mais tu fais le camp le week-end, tu claques tout à la roulette. Et moi, je roule, je râle, quand t'es de mes potes, joue un rôle réel. C'est pas l'argent qui me rend heureux, des tas de rumeurs viennent à moi. Tu genre, fais gaffe, c'est pas ton ami. Des problèmes, je les affronte, même si sont plus grands que tsunami. Ce qui m'intéresse, c'est pas son cul, c'est pas sa tête, c'est son amour. T'aimes quand t'es fait des guillis, qu'elle gratte la tête comme un nounours. Lunettes survêtent la cosse, les baleines reviennent à la mode. Vas-y, suce-le tout ça, parce qu'il y a marqué haute main sur la montre. Ça me dégoûte, je vais me tailler, t'inquiète, mais faut que t'écoutes, là je casse des gones. Et ça, depuis que je débute, petite pute, voilà, c'est vite. Tu as tes potes que l'avenir va tenir malgré les baisses, malgré les mauvais coms et les gens qui le rabaissent. Je m'inspire du Billie Jean, un détrônable comme Laura Lou, tu la carrière d'Inédine. Chez nous, il y a des boxeurs, des travailleurs et des braqueurs. Chez nous, on va dire ce qu'on pense, si ça nous tient à cœur. Chez nous, ça tourne en bas du bloc, où ça se fait le commerce du coin. Ne traite pas le petit de petit quand tu pourrais te prendre le poing. Ça vide les licites, ça vide les tiroirs pour s'acheter le pain. Chez nous, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de balcon, il n'y a que la douche, il n'y a pas le bain. Tout le monde a sa bande, c'est chacun sa mère. Mais si tu touches à l'un de nous, on réunit nos bandes pour te monter en l'air. C'est la vie, j'ai les nerfs à vie. kiff, le son ma thérapie. Tu t'inspires de moi depuis tout le temps, depuis quand j'ai rappé. Marseille la débrouille, ta carte à la russe, ta pote facturée. Sur le jarre et les russes, la mer vélodrome, quartier sud et nord, centre ville la rue, charbon coq et chip, cross qui te réveille, la race qui fait peur, la maman qui pleure, c'est qui tes cœurs, quel sacré décor, rien que ça vise les cœurs, ça ramasse les corps, je veux creuser les corps.